Et maintenant, les deux petits verbes gogo qui vont de pair. Digo et hago. Exact. Hein? Digo du verbe decir et hago du verbe hacer. Hacer. Hein? Du verbe hacer. Ils sont si courts, hein, que dans leur cas, il suffit d'enlever le go et de le remplacer par la terminaison du futur. Donc, pour la forme avec je, on remplace go par re. Alors, je ferai se dit Haré. Haré. Et nous ferons Haremos. Haremos, oui. Il ou elle fera, ou vous ferez, hein, vous, usted. Haré, non. Hará. Hará. Hará. Et il ou elle feront, ou bien aussi vous ferez, mais dans le sens de ustedes, hein, vous ferez. Harán. Harán. Et tu feras. Harás. Harás. Alors, reprenons l'autre petit verbe ami. Digo, du verbe decir. Digo. Digo devient, il suffit de remplacer le go par la terminaison du futur. Donc, je dirais, c'est... Dirai. Oui, répétez-le. Dirai. Encore une fois. Dirai. Dirai. Insistez sur la terminaison. Dirai. C'est exactement comme la forme « je dirai » en français, hein, même si ça ne s'écrit pas pareil. Alors, comment est-ce que vous direz « je le dirai » ? Lo dirai. Encore une fois. Lo dirai. Répétez encore une fois. Lo dirai. D'accord. Hein, lo dirai. Et maintenant, si vous voulez dire « je vous dirai », hein, par exemple, « demain, je vous dirai combien de temps je resterai », demain, je vous dirai, hein, a usted. Mm-hmm. Mañana, le diré. C'est ça. Mañana, le diré. Hein. Mañana, le diré. Combien de temps je resterai? Cuánto tiempo me quedaré? No, me quedaré. Tout à fait. Mañana, le diré. Cuánto tiempo me quedaré? Et... je te dirai, c'est... Te dirai. Te dirai. Je te dirai. Te dirai. Et le dirai, je vous dirai. À usted. Dites s'il vous plaît, nous ne vous dirons rien. No le diremos nada. No le diremos nada. Hein? C'est ça. Hein? Le diremos. Et pour dire, il ne vous dira rien. A usted. No le di, le dira nada. No le dira nada. Il ne me dira rien. No me dira nada. Encore une fois. No me dira nada. D'accord. Hein? No me dira nada. C'est ça. Quand me direz-vous, usted, hein? Quand me direz-vous, si c'est possible? Cuando. Cuando, oui, me direz-vous, usted. Me dira. D'accord, hein? Cuando me dira, si c'est possible. Si es posible. Si es posible, oui. Cuando me dira, si es posible. Et... quand me diras-tu, si c'est possible? Cuando me dirás, si es posible? Dirás. Cuando me dirás? Cuando me dirás, si es posible. Hein? C'est ça. Quand me direz-vous, si vous, hein, ustedes, pouvez? Quand me direz-vous, si vous pouvez? Cuando me dirán? Si pueden. Encore une fois, s'il vous plaît. Cuando me dirán si pueden. Dirán. Hein? Ran, oui. Cuando me dirán si pueden. De fait, les terminaisons sont toujours les mêmes au futur. re, qui donne remos, et ra, qui donne ras et ran.